Bonsoir et bienvenue dans l'Antichambre, tous les jeudis, tous les lundis, à partir de 21h, sur Radio et les Bords, 105.9 FM. Une émission ce soir et toute cette semaine de mai consacrée à l'événement que l'Antichambre et la Barquette organisent sur Chambéry, Annecy, Annemasse, le festival Urban Jam. Et on va, cette semaine, insister sur les événements qui se passent à Chambéry ce week-end, vendredi 20 mai à la Soute, samedi 21 mai dans le Jardin du Vernet à Chambéry, en face de la Soute. Deux événements donc intéressants musicalement, artistiquement. Vendredi soir, un superbe concert d'un groupe canadien qui s'appelle Dragonfly Empire, dont on entend une instru là, actuellement en fond musical. On aura aussi droit au rappeur de Saint-Etienne, Fisto, qui viendra avec son DJ The Architect nous proposer aussi son petit un show concernant l'album qu'il a sorti, Future Vintage, très très bon album donc de Fisto. Et samedi en journée, une journée jam en face de la Soute, dans le Jardin du Vernet, une journée jam dance, jam graffiti, open mic au menu, donc ouvert à tous les passionnés, à tous les pratiquants. Venez, c'est à partir de 15h dans le Vernet jusqu'à 19h. Jam dance, jam graffiti, 45 mètres carrés de fresques à couvrir pour les graffeurs. Et le soir, à partir de 20h, quelques concerts, avec notamment Monkey Thorem qui nous viennent de Grenoble, Wrestlin et DJP featuring JB au sax qui viennent de Lyon, et puis Sick, un rappeur de Boston qui viendra aussi ponctuer la soirée. Je vais en parler tout au long de cette émission, ainsi que les petits apéro mix au Café de la Place, jeudi 19 mai, apéro mix 18-22h avec Albert et RDECO+. Un petit apéro mix aussi au Béabar vendredi soir avec Walziton. Et puis les expos vinyles qui se déroulent encore en ce moment. Expo vinyle donc à la médiathèque Georges Brassens à Chambéry-les-Hauts et surtout l'exposition graffiti présentée à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau en ville. Je vais parler de tout ça dans cette heure, mais tout de suite je vous propose d'écouter un premier extrait de ce groupe canadien qu'on accueille vendredi soir à la Soute, Dragonfly Empire. Ils viennent de Vancouver au Canada. Et voici un premier extrait, le morceau Keep the Funk Alive. Take off like a jet stream, shine like a light beam, strike like some lightning, boom in your face. Up in the spot with the mic and an audience, the energy is obvious, time for a taste. Max out the audio, it's time to partyo, like Super Mario, we're running through a maze. So relax and kick back, take off your knapsack, never ever fall back, we won't be fazed. They want good music, hip-hop music, we don't abuse it, it's real and true. We'll never ever lose it, but maybe we'll fuse it. Taking something old and making something brand new. If you love the dragonfly, riding on a dragon high, we won't be passing by, we're staying with you. So pick up the new sand, you'll see it's going down. Keep the funk alive with the DFE crew. Keep the funk alive, keep the funk alive. Snaps like a mousetrap, bright like a throwback, needle in a haystack, hard to find, slaps and the hand claps, so call it boom bap, if you wanna play it back, press rewind, some fools have an issue, they low like a tissue, we ain't gonna miss ya, you get the loop, why cater to those frozen horrible pros, I think I'm starting to doze, so just stop the loop, because your riot falls short like your school report, you and your cohorts, just some low class dummies, grunt and growl, why you acting so foul, frontin' like a grizzly, but you bears are gummies. Now run from the snack like a rodeo clown, and don't try to be damned, there won't be no takers. You got skunk while we bring the real funk, beefing all the fakers like a patty from Jamaica. Keep the funk alive, keep the funk alive. Keep the funk alive. C'était le groupe Dragonfly Empire avec le morceau Keep the Funk Alive, un morceau qui est issu de leur dernier album qui s'appelle Redefine et qu'ils vont donc nous présenter, je le répète, ce vendredi 20 mai à la Soute à Chambéry, entrée 5€, c'est à partir de 20h30. Et Dragonfly Empire ne seront pas les seuls nord-américains à être présents dans le courant de ce festival, puisque le samedi soir, à la fin de la journée Let's Jam, le samedi soir qui se termine par des petits concerts, donc Monkey Theorem, DJ P et Wrestlin et ce sera suivi de Sick. Donc Sick est un rappeur de Boston qui connaît d'ailleurs Insight, qu'on avait déjà fait venir à la Soute il y a de ça 3 ans. Donc Sick est rappeur du groupe original Radix avec son compère Quat Nice, mais là il vient tout seul nous présenter un petit show à l'américaine, un petit show efficace donc de ce rappeur qui s'appelle Sick. Je vous laisse écouter le morceau 52 Bars. Life is a one-way street. Someday me, the maker, take you by surprise. No switching, no kidding. Pro bars, monkey bars, lucky star, thank them. Candy bar, raise the bar, made it far. Ancient history, animated gritty. Can't relate to Richie, Rich, Diddy, Hicks, 50 clips, City, Hicks, Philly, Bricks, Indy, Knicks. Swig a bottle, hit the throttle, it's if yeah. You brought a Ric Flair, Matt Simone, half the home, after loans, Al Capone. Grab a grapher that can tag alone. Pack a bad weapon, that's the brass section. Battle back checking, matter of fact tempting. Cadillac drive, cataract eyes. Half the class dies, why would they ever give a fuck? Lit up the skyline, local news, hope it's true. Price dollar sign, white collar crime. More devastating, door checker racist. Sworn declaration, core separation. No, deeper in, grow weak and thin. Slow, freedom slim, back in light. Breakfast, dead of night, pedal bike. Cross bridge, blog quiz, get it right. Right, tell me more, caddy. Ready forward, happy, never bored. Lastly, better tour, savvy. Pop plan nice, hot pan rice. Lock land twice, goddamn right. Crafty, play for wins, A to N, 14 bars. O to Z, code to V, totally charged. Over me, upright quick, some try. Tough guy shit, suck my dick. Verse sharp, first dart thrown, hitting the bullseye. This is a full time, J-O-B, they O-D. Lay low, make dope free time. Flip quota, it's over, A-O-T. Preach on, stage presence. Connect with the crowd, direct sister loud. Energy better be hell of a town. Never settling down, clever, regular clown. Pressure, better get now, devil, hell the sound. Last time to shine and show your worth. Podium, opium, addicted to the game. Sister mission lane, this is it, quit. Get in the booth, truth be told. Who we believe, foolish gold. Cold, rude as snow, bold, you should know. Old adage, right reports, life is short. Marriage, like support, life is short. Paris, not city, back to Lyon. Boston, Massachusetts, practically home. Yeah, shattering songs. Have to still rap until the passion is gone. À l'instant, c'était donc le rappeur Sick qui nous vient de Boston. Il va donc nous présenter son dernier projet. Ça sera donc samedi soir dans le Jardin du Vernet, en face de la Soute. Samedi, dans les concerts de Let's Jam, ça sera donc entre 20h et 23h. On se réécoutera un petit extrait de ce que fait Sick tout à l'heure. Et puis là, on va passer à Fisto, si vous avez reconnu l'instru en dessous. Fisto qui nous vient de Saint-Étienne et qui sera avec son DJ The Architect, qui sera en concert donc avec Dragonfly Empire vendredi soir à la Soute. On va s'écouter quelques deux extraits de son superbe album Future Vintage que je vous conseille, produit entièrement par Soul Square et les Nantais de Soul Square qui nous ont déjà régalé dans le passé par leur prod. On va donc s'écouter le premier morceau Erreur de Casting, qui est bien représentatif de son album. Et on va s'écouter aussi le morceau Friandise, donc deux morceaux qui se trouvent sur cet album Future Vintage. Je vous laisse donc avec Fisto, Erreur de Casting, suivi de Friandise. Ça sera vendredi 20 mai à la Soute à partir de 20h30, 5€. Yeah, Soul Square à la prod, big up. Quand j'ai commencé le rap, je faisais ça à la sobre, dealer. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Yeah. Yeah. Yeah. Soul Square à la prod. Big up. Quand j'ai commencé le rap, je faisais ça à la. Big up. Quand j'ai commencé le rap, je faisais ça à la. Soul Square à la prod. Big up. Big up. Big up. Big up. Big up. Big up. Big up. Quand j'ai commencé le rap, je faisais ça à la Zob. Dealer. Je vous présente mes excuses, j'ai jamais vendu dope, jamais vu de gun de ma vie. Je vous présente mes excuses, j'ai jamais vendu dope, jamais vu de gun de ma vie. Je vous présente mes excuses, je vous présente mes excuses. Je vous présente. Je vous. Je vous. Je vous présente mes excuses, j'ai jamais vendu dope, jamais vu de gun de ma vie, jamais fait truc qui me pousse à haute haute, jamais fait autre chose qu'écouter mon instinct, poser les mots faux faux sans écouter la vie aux autres. Et si les mômes de cité veulent faire footballeur ou rappeur, alors que la moitié des rappeurs ont honte de ne pas vivre d'une cité. Ils ont peut-être raison, puisqu'on joue tous un rôle, et la plupart d'entre nous le forgent bien, saison, saison. J'ai commencé avec un stylo et des rêves sans plan de carrière, pas assez de rature sur mon cahier pour faire arrière, arrière. Si la défaite est un air à savoir fredonner, moi j'ai failli perdre de vue mon vrai combat en route, comme Dieu donné. Les thunes, mes poches sont prêtes. Parfois tu passes pour une pute si t'es proche de concrète. Chaque fois tu te rapproches du but, les offres se font maigres. Qu'est-ce que tu vas faire contre un mec qui s'abord lui-même? I'm a true master, you can check my credentials. Who am I? I'm the substance that'll make your third eye. You're on the front, what? Moi, il était gentil. Puis il avait l'air d'être tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'a pas été plus loin que Limoges. C'est marrant, hein? Comme les gens peuvent avoir l'air raide amoureux en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que j'usais l'effet d'un verre de Cointreau. J'avais foncé ces promesses que l'amour n'a pas su tenir. La solitude et cette claque que tu n'as pas vu venir. Jeune fille, les yeux grands fermés comme Kubrick. Étais-tu berné par ton homme et tous ces dons d'ubiquité? Ces soirs de cuite, où pensais-tu qu'il s'était caché? Pensais-tu qu'il économisait la thune de ses cachets pour t'offrir des fleurs? Un maigre bouquet de roses en guise de lettre de rupture. Et toi, tu voulais la voir à l'usure, lui mettre la bague au doigt, mais lui jouait les ambidextres. Une histoire d'amour pour toi, pour lui une variation sur le. Si ses ex sont sexy, ne le blâme pas. Si tu trouves ton compte à cette histoire, c'est sans doute que ça te va. Dénouer les fils avec la mauvaise personne, c'est jouer au Mikado en ayant la maladie de Parkinson. Alors, jeune fille, sèche tes larmes. L'amour n'est qu'un consommable, une friandise. Devant la vitrine, tu resteras inconsolable. Une friandise. Une friandise. Devant la vitrine, tu resteras inconsolable, une friandise. Tu voulais mettre le doute de côté pour plus qu'il fasse du tort. Faire un bout de route avec la fidélité à la place du mort. Mais dans ces road movies affectifs, chacun cherche son chemin en naviguant à l'aveugle au milieu des récifs. Tes relations passées servaient d'esquisse à ce bonheur parfait. Mais l'œuvre d'art s'est estompée. C'était sans compter sur la lâcheté masculine entre Excalibur et Mescaline. Plus d'une fois, tu l'as trompé. Tu voulais faire ça carré, prendre un crédit, un appart et un chien. Mais au final, c'est elle qui s'est barrée. Elle t'a filé les clés de son cœur, mais elle est partie avec la moitié. Des meubles, la moitié. Greffier, veuillez porter cette pièce au dossier. Quand les fins des mois sont difficiles, Cupidon se transforme en huissier. Tu pensais payer en liquide chaque fois que ton outil serait dit. Mais comprends qu'en amour, la raison ne fait pas crédit. Pour des friandises, devant la vitrine, tu resteras inconsolable. Une friandise. Une friandise. Devant la vitrine, tu resteras inconsolable. Une friandise. Si les hommes dissocient le sexe de l'amour, souvent les femmes apprivoisent les deux et appellent ça un couple. Alors mec, souris. Après tout, c'est ananas, même quand elle te laisse les pires yaourts, cerises, abricots, ananas. Et toi, miss, on t'a fait croire des chimères. Les hommes ne font pas tous preuve de lubricité mensongère. Des relations humaines travesties en transactions, et l'amour devient un lot de consolation, une friandise. Devant la vitrine, tu resteras inconsolable, une friandise. Jeune homme, jeune fille, des friandises. Non mais franchement aussi, qu'est-ce qui vous a pris de partir avec ce type? Un coup de foudre, ça se commande pas. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il me ressemblait. Il avait l'air tellement triste. Et puis il m'a promis que ça durerait toujours. Toujours. Vous êtes encore tombé sur un vrai naze, ça se voit d'ici. Fisto avec le morceau Friandise. Fisto, donc, je le rappelle, qui nous vient de Saint-Etienne et qui sera là vendredi soir à la Soute en première partie de Dragonfly Empire. C'est à partir de 20h30. L'entrée est à seulement 5€ et je vous conseille fortement d'écouter son album Future Vintage. Dans la lignée de Fisto, et d'ailleurs ils se connaissent, ils sont amis aussi dans la vie, Wrestling, un MC de Lyon, originaire de Grenoble, anciennement beatmaker au sein du groupe La Moza, très très bon groupe de Grenoble qui avait sorti un premier album il y a ça, 2 ou 3 ans de ça. Et donc Wrestling revient avec un projet solo accompagné de DJ P au platine et de JB de l'Antichambre aussi, qui sera au saxophone. Ce sera samedi après-midi dans le jardin du Vernet à Chambéry dans la Let's Jam. Ce sera donc le soir entre 20h et 23h, juste avant SICK. Je vous laisse tout de suite découvrir le morceau Mes Nuits Blanches, Wrestling. Je me noie dans mes idées noires, de l'encre sur le bout des doigts. Ma feuille est moins charge, j'ai du mal à dire et du noir. Je me noie dans mes idées noires, de l'encre sur le bout des doigts. Et mes nuits blanches démarquent en stylo s'invite au débat. Je me noie dans mes idées noires, de l'encre sur le bout des doigts. Ma feuille est moins charge, j'ai du mal à dire et du noir. Je me noie dans mes idées noires, de l'encre sur le bout des doigts. Des sueurs froides me traquent, m'assaillent, glacent mon ossature. Voilà des heures que je veille, mon cerveau sature. Je marine dans mes phrases, mes drames, mes lacunes, mes angoisses qui prennent forme du bout de ma plume. Mais j'assume, noyé dans mes idées noires, dans le puits de mes pensées, dans le tourbillon de mes déboires, le vice est entré. J'explore au fond de mon être, là où mon pire ennemi dort. Et brûle mes espoirs, donc je griffonne ce qui sort. La cheminée fume sur mes songes. Me voici envahi par un sentiment étrange. Et faire le vide n'est plus si facile. Quand les secondes s'égrènent, tu n'as une mille par mille. Derrière mes paupières lourdes, les paysages s'estompent. Réellement prisonnier de l'inévitable décompte. À mi-chemin, entre le rêve et l'éveil, je commence mal la semaine. Les premières lueurs de l'aube filtrent déjà par la fenêtre. Absorbé par ma feuille, sans pouvoir me laisser aller. Malgré les courbatures, en dépit des céphalées. Dans une position inconfortable, sous une chaleur à crever. Je ne trouverai pas le repos en laissant cette phrase inachevée. Ma mine dérape et tâche allègrement le papier. Je suis fatigué mais je cours toujours après le sablier. J'écris comme un baume sur mes écorchures quand le temps m'effraie. Comme une bouffée d'air pur qui pense mes plaies. Que je lutte contre le sommeil ou que je galère pour dormir. La matinée sera dure, l'après-midi sera pire. Des journées de lucidité, j'en ai tellement raté. Et ce fils de pute de marchand de sable vient pas m'en parler. Je fais toujours face aux antagonismes entre mes rêves et mes vrais. Traque une nouvelle fois les idées vénéneuses. L'obscurité me pousse à en rechercher l'écho. C'est pour ça que je dépeins des rimes quand la nuit est ténébreuse. Je me noie dans mes idées noires, de l'encre sur le bout des doigts. Ma feuille des mois charge, j'ai du mal à dire et du moi. Je me noie dans mes idées noires, de l'encre sur le bout des doigts. Et mes nuits blanches démarquent en stylo s'invite au débat. Je me noie dans mes idées noires, de l'encre sur le bout des doigts. Ma feuille des mois charge, j'ai du mal à dire et du moi. Je me noie dans mes idées noires, de l'encre sur le bout des doigts. Et mes nuits blanches démarquent en stylo s'invite au débat. C'était Restlim, donc MC de Lyon qui nous viendra avec DJP au platine, JB au sax. Restlim, donc ancien beatmaker du groupe La Moza et qui présente son projet solo, très très bon projet solo. Il a de très bons textes, de très bonnes instrus, donc venez apprécier ça. Ce sera samedi soir entre 20h et 23h dans le jardin du Vernet en plein air, gratuit après la Let's Jam. On va passer au groupe qui nous intéresse le plus maintenant dans le cadre de ce festival, il s'agit de Dragonfly Empire. C'est un peu une sorte d'événement parce que c'est un groupe qui n'est pas du tout connu. Ils viennent du Canada, d'une ville qui s'appelle exactement Vancouver. Vous pouvez avoir plus d'informations sur ce groupe. On a écrit une chronique sur le site de l'Antichambre, radio-antichambre.com, onglet chronique, Dragonfly Empire. Donc voilà, hein, pour résumer, ils ont sorti un album Conquest, le premier album autour de 2003, un deuxième album qui s'appelle Invasion, et ça c'est plutôt vers 2006, et puis un dernier album Redefine qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Très très bon album, très très mal distribué en Europe, c'est pour ça c'est un groupe qui est très très peu connu, mais qui n'en a pas moins beaucoup de qualité. On va s'écouter un morceau issu de leur dernier album Redefine, le morceau s'appelle Watch Ya Front, c'est featuring Josh Martinez, et puis on continuera après une petite session, toujours avec Dragonfly Empire. C'est parti avec le morceau Watch Ya Front. Seen this boo from the get-go. Really tried to let it go. Put it on a fresh show, but many hoods say so. Say go, get lost, boss the respect toss right out the window. They knocking over mics, bro, telling me to stop the rap. I do my best to hold it back. Good cause, wrong style, longer than another five. Some shows mad props, others well straight flop. Still we take her to the top, I never take her to the pop. Mountain town, get down, big dude, big frown. Hillbilly complex, growing around the compound. Not feeling pulled back, so we won't hold back. Shout them cat calls, that's where the rap falls. In his drunk mind frame, I'm not playing mind games. I'm out to rock, who the hater don't stop. Say why, yo. Le morceau Watch Ya Front, c'est donc du groupe Dragonfly Empire, les Canadiens qui sont vendredi 20 mai à la Soute à partir de 20h35€. Et on continue avec un autre extrait de leur album Redefine. Le morceau s'appelle Outside In et c'est featuring le rappeur Cadence Weapon. Voilà, c'est parti. Please consider that if inside were outside, I'd be Al Pacino in the CBS office. The rap police make decisions by caucus of Caucasians and post Africans posting up. Me, I'd never put a poster on a tree. I'm the quasar of irony, they all divide me. I was like Voltron with no belt on, a felt tip pin with no friends. Seldom sin with a middle-ish color of skin. They tore off my tearaways in the middle of middle school. T-ball party almost drowned in the kiddie pool. Real talk, like all ages shows, I felt sealed off. Gave up before I got the training wheels off. I recently learned how to ride a bike. I forgot why I had to fight until today. I wonder years before it ain't been to shame. Who's to blame? I guess the plane. Folks left Jamaica, it's not the same. I reached the plains, the land of grains. There's not enough bleach cause I'm the stain. I won't complain, but try to relate. Only of my kind in the whole school. Wait, well, there's another. That's my brother. And over there. That's my sisters. What's that, yeah, mister? Where'd you come from? Down the street. I mean, you know, before that. Well, I guess back east. And, I mean, before man, that. I wasn't even born. Barely in this fabric and already torn. Like, am I worthy of your make-believe status? You don't wanna give it, I guess I gotta grab it. If you're down, I'd rather be out. Thinking you're right. When you're so wrong, I think I found Dragonfly Empire, c'est le morceau Outside In, c'est featuring Cadence Weapon au rap, mais c'est aussi featuring Lynn Olagundoy au chant. Très très bon morceau donc de leur album Redefine, le dernier album en date de Dragonfly Empire. Donc je reviens sur le combo, il s'agit d'un MC et un DJ. Le MC s'appelle TK, le DJ s'appelle DJ Cosme. Originaire de Vancouver dans l'ouest canadien, une ville qui est plutôt connue pour avoir accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 88. Et dès 2002 en fait, TK et DJ Cosme ont sorti une démo qui s'appelle Conquest. Et ils ont donc à partir de là beaucoup tourné au Canada, ils ont reçu un bon accueil de la part de Radio Locale. Et puis ils réussissent à sortir leur album sur un label indé canadien qui s'appelle Macabelive Records. Et on va s'écouter notamment un morceau de ce premier album, le morceau DEF, voilà, DFE is DEF, le Dragonfly Empire. Et DEF, c'est-à-dire que voilà, c'est un morceau un petit peu d'ego, mais représentant bien l'esprit de Dragonfly Empire, un groupe qui, je trouve, est dans la lignée de People Under the Stairs. Voilà, je vous laisse avec le morceau DEF. The two Dragonfly Empire, not about to retire. Fit to make you perspire fitness, a witness of the Lord's forgiveness. Giving this a roll and not about to start a brawl. Crawling out the gate, knowing not the hands of fate. Future's looking great, but our minds on the present presentation. We gotta add an exclamation to your day, cause the skies are always gray. Now we're in mind, we wanna bring in the sun. Cause hip hop revolves around the vibe of having fun. Done, you're finished, diminished silently. The vintage in the underground community. When will we learn how to use the tongues? Responsibly, can anyone progress with all the hatred and the time be? I represent the one true purpose of nativity. Scenery, you feeling me? La la la la la la. Different, call them a liar, cause we higher, brother, so higher. Us, we build trust and cause no fuss. Doing this for the love and not for the lust. We're not one of them, we're one of us. Cussed you'll be if you do not see the boom bap jazz, we're in front of thee. Thus the plus, forget the minus. Dig deep enough and you'll soon find us. Rhyme us, DJs and producers who create the fly dub place right in front of you. My first hip hop posse was the Crown of Thorns crew. The skies are always gray, so we're painting in blue. Get a clue, moody sadness can only last so long. Just feel the vibe, chill out to the song. La la la la. We promote the finest quality. All natural products with a super guarantee. 0% whack, 100% fat. Bump it if you rock a briefcase or backpack. From the far side of where most rappers reside, the great hype north is where our roots coincide. With the beats, the rhymes, the life and the crew. Light heads organizing, confusing attitudes. Freestyle fellowshipping by the CD, pay the shipping under the stairs. Yo, we be those people flipping through an extensive catalog of lost soul classics. Put our heads together for some digital magic. And once you have it, our job is done, and wow, we didn't have to copy anyone. La la la la la la. Du sample à l'original et de l'original au sample. Dig this. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Can you dig that? Dig this. Hold up the phonograph. Une école du sample consacrée donc aux Canadiens de Dragonfly Empire. Le morceau s'appelle Ride On, c'est donc DJ Cosme à la production. Et on va voir après le morceau original. Le morceau c'est Ride On featuring Rashaan Ahmad, c'est donc Dragonfly Empire, c'est parti Ride On. Hi Cosm, it's your 5 minute warning. Jump up in the Civic and stop your snoring. It's 4 in the morning, but we gotta go. West on tour, DFE rocks the show. Get the gas and grub, the map and the tool plan on 16 Dev as it turns into the trans camp. Pass Bath and Golden straight to Revelstoke. We into making good times, and that's no joke. Almost smoked by a semi, still we got plenty of time to spare when we hit Vancouver. Sometimes I had to make some crazy maneuvers. Road rage idiots, suck your suitors. Met T-Mar and P-Wood, you know it's all good. Mountains and oceans, start and commotion. In gas down with heads and money and alive. CBC was in session next morning, gotta drive. Was a task, but we passed in a flash. And for the first time, we were stopped at 49. Stopped off in C-Town just to see what's going down. Kasa and Game C got a glimpse of Shock G. The next morning, I sat in my car. Fixed the alignment, cause we still had a far way to go. Time to Portland OR. Staying with the order of Northwest Superstars. So pops to Santos, and we rocked that open mic. Saw a skinny white grown to a lyrical fight. It was a delight, but we had to keep it moving. Up to Spokane to see how Locke was doing. The very next morning, we said goodbye, hit the road again to the land of Big Sky, Missoula, Montana. We hooked up a shocker, TK, Cosm, and the Crown City Rockers. Oakland, the home of the Panthers too, hip. Hop into the whip and set off on a road trip. Straight to Missoula where they cool it in ice caps. The last show was dumb, but the show is twice that. Stage is on fire with the Canada Connect. DFE, CCR, MT, LOL. The party's in effect, vibe as well. Keep it moving on the Bozeman, the flows is chosen. Warm sun glows and we rolling the zebra. Shout to Porterhouse and 8-track mine. Yo, I tagged the back wall, now the fame is mine. Load horse, what a course, yeah, we on that grind. Rip the show into the night. Drunk girl on stage, but it's all good. Another story to tell. And the vibe was so strong, we had to write a song. Said keep it moving on, and I threw out my arms and Why Done featuring Rashaan Ahmad est issu du dernier album de Dragonfly Empire, Redefine, qu'on trouvera donc vendredi 20 à la Soute. Et le morceau original de Why Done, il nous vient d'un saxophoniste qui s'appelle Clarence Wheeler avec son groupe The Enforcers. Clarence Wheeler, le morceau s'appelle Right On et c'est sorti en 1970. Je vous laisse donc le plaisir d'écouter Clarence Wheeler and The Enforcers, Right On. Brothers, morceau, c'est donc Right On. L'artiste, c'est le saxophoniste Clarence Wheeler avec son groupe The Enforcers. C'est sorti sur l'album Doing What We Wanna et ça date de 1970. Nous continuons ce tour d'horizon du festival Urban Jam avec un artiste dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit du rappeur Sick. Il nous vient de Boston, des États-Unis. Il fait partie du groupe Radix avec son compère Quite Nice. Il viendra seul, il est en tournée, il a une petite tournée en France en ce moment. Il viendra seul présenter son projet personnel. Donc Sick de Radix. Je vous laisse tout de suite écouter un morceau issu de son projet personnel justement qui s'appelle Perspective. Et Sick de Radix produira samedi 21 mai dans le cadre de la journée Let's Jam dans les concerts du soir, donc entre 20h et 23h30. Rendez-vous est pris ce samedi 21 mai avec Sick du groupe Radix, le morceau Perspective. Blue collar, come up, who hollers some luck? $2, one love, two knocker, unplug. Boombox, what was a dream, now is real. You seen how I feel, the team about to build. Eyes focused, stage presence, time choker, pace severance. Thank heaven, take away the pain, complain, deflate, blessings. Make essence shine through, quit, regret it, times two. Sit, let it find you, six cents to find truth. I'm proof and dairy, prepare me for swings to vary. See myself clearly, sign six and six. Right. Prime peak, recognized, line sheets left alive. Rhymes potent, extra fly, minds open, get inside. Perspective. Big world, a lot of different views. Perspective. Life approach, walk in different shoes. Perspective. Everybody shouldn't see the same. Perspective. Feel inspired, got me to blame. Perspective. This life, live it to the fullest. Perspective. Rip mics and kill it with a bullet. Perspective. Everybody shouldn't see the same. Perspective. Feel inspired, got me to blame. Formula, figure shared, double raps, triple dead. What's up with that? Get scared. In fact, I'm quitting here. Different plan, listen, man. Bring the van, out of supplies in demand. So hot the shit, just hit the fan. Trip to France in advance, guarantees in Paris. Back to earth, half your worth, active search and have your merch. Track it first, after last, practice verse after class. Chapter one, bag of lunch, chapter two, pack a punch, act a fool. That's a must, pass to you, back to us. Traffic rush at the crux core. That's enough, had to bluff, make it happen, taking action. This is bliss, life, music, my vision isn't frivolous. Perspective. Big world, a lot of different views. Perspective. Life approach, walk in different shoes. Perspective. Everybody shouldn't see the same. Perspective. Feel inspired, got me to blame. C'était le morceau Perspective du rappeur Sick qui nous vient de Boston, des États-Unis. Il sera donc là le samedi 21 mai dans le cadre de Let's Jam dans la partie concert entre 20h et 23h. Mais aussi lors de cette soirée, on aura droit à deux groupes plus ou moins locaux, en tout cas deux groupes de hip-hop français. L'un s'appelle Monkey Theorem, il s'agit de deux rappeurs de Grenoble. Donc ils viennent de sortir un album qui s'appelle Instinct Primate. Voilà, ça a une bonne petite pêche, une bonne petite énergie et ce groupe ouvrira le bal du concert donc autour de 20h ce samedi 21 mai au Vernet. Donc je vous laisse écouter un petit medley de leur album, quelques aperçus on va dire de quelques extraits de leur album Instinct Primate. C'est parti, Monkey Theorem. Laisse parler mon instinct primate dans cette jungle urbaine. La bouteille vide, les bombes de peinture pleines. Une porte de quadrumane, un singe des villes mutants. Je rêve de péter le nez, man, et faire les fils du temps. Se creuser les ménages bravant les limites de l'infini. Après 4-5 taf quand on s'improvise funambule sur le fil d'un ouin, je t'affgante. Fini de mon qui théorème, paradoxe du singe savant. Amalgame d'élixir dans un péché recompoir. Formule de machine noire, manuscrite entre les lignes d'un grimoire. Distillé l'humeur, lacrymale pour en extraire l'absolu. Écarté du problème. Protocole foulé des terres inconnues, pas de solution. J'évolue dans un tohu-bohu, focus sur des dilemmes insolubles. Et en bonus, dans la cohue de morue, t'as reconnu ces récits d'époque obscure et volue. Prends ta claque, dis mon qui théorème. On fout le feu, telle une étincelle dans du kérosène. Je te perds de phénomène, a conquis tes oreilles. On va te clouer comme Jésus pendant l'antiquité romaine. Y'a des cul-jades qui croient que ça va marcher le topo. Y'a plus d'empotés dans le rap que des japs dans la baie de Tokyo. Une sous-culture selon les intellos-shows. Vu que ceux qui passent à la télé n'ont pas inventé le show. Et on t'arrache le cœur comme les aspects. Flomaster, les fast. Piégé entre les barrières corail et les mailles du code-barre. J'écris pour que le train-train déraille. Je rêve seulement d'aller traîner mes brusques pas. Ayant je navigue sur les bateaux des trottoirs. Entre autant et trop tard. Et je fraude le métronome, cristaille plein mes crobards. Yeah, la grisaille plein mes crobards. Yeah, ayant je navigue sur... sale gaine et une bonne veille de pastaga. 10 heures tapante, rancard au bar tabac. Donc apporte ta parka, une montana sous la parka. C'est qu'une grosse barre taga. On fait quoi? Là on se voit, après on voit. Ma foi, après on boit. J'ai là les pieds handicapés, du mal à piloter. Cette sale colique anodine, mon bide à mijoter. Un de ces matins, sans la mairie corée. Quand la conscience me sort du lit, venant me rire au nez. En bref, un lever tard, pétard, avec un petit déjeuner. Café noir, pétard, un rap de riolet. Le regard vide collé sur l'écran bariolé de cette salle. L'amour et la haine dans un shaker. D'une main tu me caressais la joue, de l'autre tu m'arrachais le cœur. C'est fou comme ces quelques mots m'ont détruit. Et puis j'ai pas orange et ma tristesse. Tu t'es paré avec l'étui, c'est cuit. J'essaie tant bien que mal de me tenir debout en empilant mes cravats. Dans ces moments la peine se crache. Je sens que la fierté se ravale. C'est grave et puis taf sur c'est dégravable. Je caresse l'oubli à la flamme du kébrim. Reste que la fumée, le chromie. Pour balayer les débris de ce qu'on s'était promis. Queriendo tener éxito en este sitio, este país, con este idioma usando este mismo léxico. Pero mi motivo sigue siendo desafiar a los escépticos con mis versos eléctricos. On continue de mener notre part pendant que l'eau coule sous les ponts. Le phare de nos pensées a vu à chaque coup de rame. Nous l'approchons, le navire vogue encore. Et on perd pas la trajectoire, on vira pas de bord. Et cela du port jusqu'à la fin de l'histoire. On continuera à faire ce que l'on aime, fidèle à nos racines, à la couleur de notre emblème. Qu'est-ce pas Dalton Pipe, c'est le monde qui théorème. Toute l'équipe au complet pour développer le phénomène. J'essaie d'apporter la paix, même si l'enfer c'est les autres. Regarde comme la médiocrité enferme les nôtres. On encercle les vôtres et on charcle les traîtres. À la quête d'un coin au soleil ou très... C'était donc quelques extraits de l'album Instinct Primate, de nouvel album fraîchement débarqué du groupe Monkey Theorem, qui viennent de Grenoble et qui seront donc là samedi 21 dans le cadre donc de la journée Let's Jam. Ils seront là pour nous faire un petit show lors de la soirée concert entre 20h et 23h30. Suivra par la suite le dénommé Restlin qui nous vient de Lyon et qui sera accompagné aux platines de DJ P et qui sera accompagné au sax de JB. Voici en fond musical un extrait de la prod de ce que peut faire Restlin. Un très très bon rapport avec des très bons textes et un flow bien ciselé et un talent de beatmaking voilà, bien à honorer. En tout cas, on s'est écouté tout à l'heure un petit morceau, Mes Nuits Blanches, qui était voilà, qui avait un sample bien bien jazzy. On va s'écouter un autre morceau maintenant qui s'appelle Recouvrer Mes Forces. Mais avant cela, je tiens à vous parler aussi de ce qui se passe en off, on va dire en off entre guillemets dans le cadre du festival, puisque je souhaite aussi vous parler des expositions qui ont lieu en ce moment. Une très très belle exposition de graffiti à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau en centre-ville, Carré Curial. C'est proposé par Contre-Attaque Prod qui nous viennent de Grenoble et la thématique c'est donc des graffeurs qui sont partis au Mexique. Et donc on voilà une petite exposition avec une rencontre à noter, une rencontre avec les artistes mexicains. Ça se passera le vendredi 20 mai à 17h30 à la médiathèque Georges Brassens, la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Une exposition donc à ne pas manquer qui a lieu jusqu'au samedi 21 mai inclus. Et dans les mêmes dates, c'est cette fois à Georges Brassens, donc dans les Hauts-de-Chambéry, à cette très bonne médiathèque de Georges Brassens, une expo vinyle proposée cette fois par l'Antichambre, Albert et Wayne Inot, qui nous ont concocté une sélection de pochettes vinyle, mais sur trois thématiques, on va dire bien précises. D'une part, les classiques hip-hop, d'autre part, une nouvelle vague d'artistes indépendants, donc de labels indépendants qui ont su trouver une manière de vendre la musique en confectionnant de très très belles pochettes. Et la troisième thématique, c'est justement des pochettes qui sont graphiquement belles, graphiquement intéressantes, donc faisant appel à la peinture, au dessin, en tout cas un côté artistique indéniable qui sort vraiment du cliché hip-hop en tant que tel. Par là aussi, tout ce qui est picture disc, tout ce qui est objet, le vinyle en tant qu'objet d'art. Donc voilà le thème de l'exposition, c'est exposition de vinyle ou comment le vinyle devient un objet artistique à part entière. Je me dois aussi de vous annoncer deux apéros mix qui vont avoir lieu cette semaine. Le premier, ça sera jeudi 19 mai au Café de la Place, Place Saint-Léger. Après le succès de la soirée à la Bulle en avril dernier, Albert et RDECO Plus reviennent avec leur sélection de vinyle dans une tendance jazzy and soul and smooth hip-hop. Ça Ce sera donc jeudi 19 mai de 18 à 22h au Café de la Place, entrée gratuite bien évidemment. Et le vendredi 20 mai, entre 18 et 20h, il y aura un petit apéro mix, apéro jam, petite jam session au Béabar Café. Voilà, ce sera juste avant le concert de Dragonfly Empire et de Fisto. Donc qui se déroulera, je le rappelle, je le dis une fois de plus, le vendredi 20 au soir à la Soute. Et c'est sur cette très belle instru de Westlin, MC et producteur, MC beatmaker, que l'on retrouvera donc samedi 21 mai à Auvernais dans les concerts du soir de Let's Jam. Je vous laisse tout de suite avec le morceau « Recouvrer mes forces ». Je cherche à recouvrer mes forces, mes sensations. La rime opère comme une incantation. Un coup de sortilège, je combats mes chimères. Et plus d'un tour de magie noire sort de mon imaginaire. Je cherche à recouvrer mes forces, mes sensations. La rime opère comme une incantation. Que je balance ça en studio, que je crie sur une scène. J'y puise une énergie surhumaine. J'suis de cette école des rimeurs qui n'est pas là pour se faire valoir. J'ai pas appris à rapper au conservatoire. Mais dans une époque où les clichés ont la dent dure, la situation empire, mais je repars à l'aventure. Seul ou en équipe, on fait ce qu'on a dit, on teste, on agit. L'authentique et le respect n'ont pas de prix. Écoute-moi donner mon avis. Comme NEMO, je fais du rap humain. Et ce qui me fait avancer, mais surtout pas la base du lien. Fat beat et phrases riches sont mes locomotives. J'agite la matière grise, mon cerveau s'autorise. Des tours de passe-passe linguistiques à chaque page. Et j'insiste sur l'impact de chaque mot que j'implique. Besoin d'extérioriser. Je braille ma vie au micro pour canaliser mes idées. Je taille ma rime au ciseau. Je me prends la tête, c'est ça qui me plaît. Ma plume est guidée par un esprit insatisfait. Je cherche à recouvrer mes forces, mes sensations. La rime opère comme une incantation. À coup de sortilège, je combats mes chimères. Et plus d'un tour de magie noire sort de mon imaginaire. Je cherche à recouvrer mes forces, mes sensations. La rime opère comme une incantation. Que je balance ça en studio, que je le crie sur une scène. J'y puise une énergie surhumaine. À chaque instant, je demeure fidèle à mes ressentis. Quand je crie, c'est trop plein d'émotions que je retranscris dans le speed. Comment se taire quand mon cerveau débloque. À l'instar de Bibousta, je suis le fruit de mon époque. Je fixe l'horizon avec comme but de faire ce que j'aime. J'écris sur le fil du rasoir et à chaque vers, je me saigne. C'est le double H qui me remet d'aplomb. Ma motivation puise son énergie dans ses vibrations. Malgré les frustrations, je quise ma curiosité. Je suis cette mauvaise herbe qui s'était rêvée orchidée. Je veux affirmer mon être sous la lumière des projecteurs, sans m'inventer une vie gangster ni bourreau des cœurs. Lucide, car même si le rap ne me fera pas vivre, je continuerai à faire des rythmiques assassines sans m'assagir. Mes têtes stressent d'une échappatoire. Pour moi, la gloire n'est pas d'avoir ma face en 4x3. Je m'accapare la pulsation quand elle coule dans mes veines. Je garde le cap, l'œil rivé sur mes buts, je prends les rênes. Toujours en quête de sens, malgré tout, il faut que j'agisse. Je fais mon trou, je clame, je reste un mosaïste. Être libre et cohérent, ça prend du temps. Ça demande du cran, et crois-moi, il en faut pour rester endurant. Rien de nouveau, mon rap, une goutte d'eau dans l'océan. Je mène ma barque en esquivant les mauvais plans. Je cherche à recouvrer mes forces, mes sensations. La rime opère comme une incantation. À coup de sortilège, je combats mes chimères. Et plus d'un tour de magie noire sort de mon imaginaire. C'était donc Westlin, donc MC qui nous vient de Lyon, ancien beatmaker de la Moza, groupe de Grenoble. Donc il va nous présenter son petit show ce samedi 21 mai au Vernet. Et puis donc je reviens sur Fisto, sur ce fameux concert du vendredi soir. On va se terminer cette petite émission en écoutant Fisto. Et je vous conseille vraiment de jeter une oreille sur son album Future Vintage, entièrement produit par le combo Soul Square, qui nous vient de Nantes, donc dans une lignée très très jazzy, très très soul, un album très bon, très cohérent, sur lequel on peut entendre aussi le featuring avec Othello de Lactated, Rush and Ahmad, donc de Crown City Rockers, et puis quelques morceaux vraiment très très intéressants. Fisto se pose des bonnes questions sur la place de l'homme dans la société actuelle. On va s'écouter sans plus tarder le morceau Les Soucis, suivi de Lettres de non-motivation. Je suis venu te dire que tu t'en vas. Je t'explique, les creeps split et tu connais la suite. T'étais toujours là pour me rattraper quand je prenais la fuite. Ici comme ailleurs, les gens souvent se quittent. Essaye de s'aimer, repars que les gens s'y vont, quitte. Faut être mal des fois pour rentrer dans le trip. Et dans ce type étrange qui s'est trompé dans le script. Étanche et la traite de l'homme pour le morbide. La peine cachée dans les yeux pousse derrière les orbites. Ingurgite mon rap austère. Un croque-mort en chemise à fleurs qui ne demande qu'à se marrer. Égaré dans ce marécage, tous cherchent l'accès. Junkies coincés entre manquer. blessé, mais l'amour est frais comme voir un fantôme apparaître. Plante ta palombe sur le costume à paillettes et jette un coup d'œil d'or, apprécie le décor. Tu reconnaîtras les chiens quand ils commenceront à mordre. Je vois où l'insouciance mène, la peur de souffrir est souvent pire que la souffrance même. Je vois nos deux vies qui s'empilent. Oublie les soucis, va là où l'insouciance mène. La peur de souffrir est souvent pire que la souffrance même. Deux vies qui s'enfuient, oublie les soucis. C'est comme une lettre d'amour. Je l'appelle la love. La love, c'est la lettre pour obtenir vite un entretien. Alors comment? Bonne chance, Bud. T'es sympa. Et surtout, n'oublie pas. Quoi? S'ils pensent que tu glandes, c'est foutu. Ils passeront un coup de fil au chômedu et ils leur diront « Celui-là, c'est un glandeur. Résultat, tu recevras plus ton chèque. » Ouais. Mais si tu l'ajoutes trop zélé... Ils vous le donnent leur putain de job. C'est salique. Cauchemar. Ça fout les chocottes, leur saloperie. Madame, messieurs, suite à votre annonce, je vous écris, je me permets de candidater au poste de... commercial sédentaire dans le monde de la musique. Soucieux d'augmenter mon savoir-faire et ma pratique. J'ai comme expérience un stage en major en contrat d'artiste. Si je dois citer un défaut, perfectionniste. J'ai des qualités d'organisation. Je veux une femme et deux enfants plus tard, ce qui prouve mon ambition. Je me permets donc de vous envoyer ma candidature au poste de... ce que vous voulez en fait, je suis pas difficile. Je veux juste un téléphone, une voiture de fonction, une prime sur l'objectif. Un max de temps libre est pour moi un critère sélectif. Je suis ni ambitieux, ni courtois, ni dynamique. Et j'ai pas envie de faire des blagues de merde pour intégrer votre équipe. Dépourvu d'esprit d'initiative, jamais pu plaire les standardistes avec leur look d'Alicia Keys. Non, j'ai une mentalité instable, c'est pas l'idéal pour un boulot. Et y'a une chance sur deux que je vole tous vos stabilos. Par contre, j'ai des passions dans la vie, le hip-hop. Mais je lirai tout mon blog si on prend en flag en train de taguer les chiottes. Comptez pas sur moi pour les heures sup. Le week-end, je glande chez moi et j'écoute du rap en calbut. Et pour être honnête, staff de merde, payé nada. Pour user autant du lance-pierre, vous devez être actionnaire de l'intifada. J'ai pas d'ambition professionnelle. Le chemin je me vois aussi bien que le formol va à Roswell. En fait, je recherche pas vraiment de taf, mais je risque une radiation. Donc avant de recevoir mes salutations, sachez que j'ai pas envie de me lever à 6h tous les jours. J'ai pas envie d'un CDD, je suis même pas titulaire du permis B. J'aurais aimé pourvoir votre offre d'emploi, mais franchement, autant le dire, j'ai pas l'étoffe de l'employé du mois. Je joins à ma lettre un curriculum vite fait. Et vous prie de recevoir l'expression de mes sentiments distingués. Votre CV est impressionnant? Oui, je suis spécialiste en CV. Le spécialiste en CV, c'est Fisto. L'album, c'est Future Vintage. La prod, c'est les Nantais de Soul Square. Le morceau qui va suivre s'appelle Décrocher les nuages. Et ça sera vendredi 20 mai à la Soute à 20h30 au prix de 5€. J'avais cette naïveté de cœur, ça me rendait invincible. Parcourir le monde à dos de nuages magiques comme Son Goku. Je me perds souvent dans mes songes quand j'ai plus rien à dire. J'exprime peu de choses dans ces moments, mais ça veut dire beaucoup. J'ai l'esprit claustrophobe, j'aime pas les cases toutes faites. J'avance parce que dans mon dos le vent souffle trop fort. Et je cherche un refuge dans le ciel. Y'a que du gris sur la palette, je rate l'essentiel à cause du strass et des paillettes. Le silence rythme nos vies graciles. Je garde une place de choix pour ce guide fragile. À la faveur d'un instant, graver l'éphémère au creux d'un tympan. Que les temps d'un murmure, nos liens redeviennent intenses. Alors s'il te plaît. Danse, oublie tout et rembobine. Dieu est un DJ qui mettra sur pause ses platines. Je me suis construit une vie avec des rêves à 3 francs 6 sous. Pour soulever les foules et voir ce qui se cachait dessous. Je voulais décrocher les nuages. Au-delà des mots là où les rêves nous portent. On voudrait décrocher les nuages. Grimpe sur mon esquive, ce soir y'a pas d'esquive. On va décrocher les nuages. Au-delà des mots là où les rêves nous portent. On voudrait décrocher les nuages. Y'a autant de boucles égales à mer que de grains dans une poignée de sable. Personne ne viendra ouvrir la trappe de ton panier de crabe. J'trace ma route, gratte un tas de couplets graves. Brave le doute, coûte que coûte, quitte à me louper. J'veux voir vos têtes hocher. Quelques ricochets de plus pour que les nuages puissent se décrocher. J'ai 16 mesures humanitaires pour un espoir moribond. Accepte le challenge et prends la balle au rebond pour que ta vie s'allège. J'me suis levé à l'heure où le soleil montre sa face ce matin et j'ai kiffé ma race. À chaque fois qu'il pleut sur ma ville, c'est dead. J'ai l'impression qu'à nouveau le nuage de Tchernobyl s'élève. On peint des portrait de môme sur les centrales nucléaires. Pour se dédouaner d'avoir défoncé l'atmosphère. Lève ton bras dans les airs, ressuscite tes espoirs avortés. Car ce soir les nuages sont à ta portée. On va décrocher les nuages. Au-delà des mots là où les rêves nous portent. On voudrait décrocher les nuages. Crame sur mon esquive, ce soir y'a pas d'esquive. On va décrocher les nuages. Au-delà des mots là où les rêves nous portent. On voudrait décrocher les nuages. Superbe soirée qui se dessine vendredi 20 mai à la Soute, je le rappelle, à partir de 20h30, seulement 5€. Fisto, dont on vient d'entendre quelques